qu'ils vont t'enlever. C'est plus une je n'ai qu'un bal de fond. Mais envoie mon fief, cartel, quartier rouge, quartier rouge. Terrain de jeu, majuqué en esprit vandale, escroquerie, le vol, la violence gratuite. C'est toujours la même chose, c'est pas pour oublier que je me bute à haute dose. Fidélité au mien, voilà mon hymne. Eh, hey, t'es dans la merde, j'arrive, ça c'est les gars de ma dream team. Aujourd'hui les petits morts partent à l'école, le couteau dans le cartable, faire leur dièse. Eh, hey, tu me dois de l'oseille, je t'appelle direct, c'est dièse 31 dièse. Mon esprit vandale m'a permis de me mettre à l'aise, comme faire des sous, me mettre à l'ouest, c'est la merde. Eh, hey, bonne description d'une vie que je mène, heureusement qu'il y a ce bout de gras. On s'imagine tous débouler avec le gamos, les temps deviennent durs pour s'en sortir, alors je dis calmos. C'est BES du cartel, je veux des sous me barrer, j'irai à l'ami, allez, vamos, j'fais mes dièses, j'fais mes dièses. L'état me baise, alors j'fais mes dièses. Pour m'en sortir, gros, je fais mes dièses. L'esprit vandale, gros, je fais mes dièses. J'fais mes dièses, j'fais mes dièses. L'état me baise, alors j'fais mes dièses. Pour m'en sortir, gros, je fais mes dièses. L'esprit vandale, gros, je fais mes dièses. PES, 420, cartel, esprit vandale, V. J'fais mes dièses ici, j'fais mes dièses.